Du jamais vu chez Delbault Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va faire le bilan des castors de Delvaux. On devait le faire la semaine passée. Malheureusement, on n'a pas été capable de se parler, mais ça fait quand même une dizaine de jours que les castors ont été éliminés. On va parler avec l'instructeur-chef Robin Bouillard. Salut Robin. Salut Danny. Robin, éliminé par les Aiglons d'Allemagne au 7e match. Les Aiglons qui ont perdu par la suite face à la puissance formation qui est les Marquis de Jonquière. Quand même content de l'année? Oui, quand même très satisfait de l'année, des résultats puis de l'évolution aussi, de la progression de nos jeunes. C'est ce qu'on voulait en début d'année, développer nos jeunes pour qu'on se rende le plus loin des séries. Puis je pense que, en tout cas, à la lumière des résultats qu'on a eus, en sept matchs contre une bonne équipe qui est Alma, tous des matchs serrés aussi, donc on peut pas être déçu de ça. OK. Et surtout que à sept matchs, ça peut aller autant d'un bord comme de l'autre, là. Oui, absolument. Puis surtout qu'il y a quelques matchs qui se sont décidés en prolongation, donc c'est. Puis on a eu nos chances. Mais somme toute, je pense que on peut, tu sais, nos gars, ils ont bien, se sont bien bataillés, ils ont bien rivalisé, puis ils peuvent sortir la tête haute de ça. Là. OK. Dis-moi, penses-tu que vous auriez bien, mieux fait que les Aiglons contre les Marquis? Ah, c'est difficile à dire. Écoute. Ça n'a pas été long, là. C'était un walk in the park. Oui, c'était expéditif, mais Jonquière ont tellement une bonne équipe, puis bien balancée à tous les niveaux, puis. Honnêtement, ça aurait été difficile d'éliminer Jonquière. Puis je suis pas sûr qu'on aurait peut-être fait mieux qu'Alma dans ces situations-là. OK. Dis-moi, les castors, quel genre d'équipe qu'ils vont y avoir l'an prochain? L'an prochain, Danny, quand même une bonne cuvée qui revient. On perd quatre joueurs d'avant. Notre défensive reste intacte. Donc nos six défenseurs sont disponibles pour jouer avec nous l'an prochain. Puis on garde un gardien aussi. Donc, c'est de bon augure là, pour l'année prochaine. OK. Puis, au niveau Bantam, le fait que l'équipe performe bien, on en a parlé de la dernière chronique, ils sont maintenant rendus au niveau du tournoi de la Coupe Dodge. Certainement que ça doit assurer une certaine relève au Castor aussi. Là. Absolument. Je pense que la relève est là. Il y aura des bons jeunes qui vont pousser pour faire l'équipe. C'est correct. C'est bien qu'il y ait une petite compétition là, pour... Parce que je vais t'avouer que les dernières années, ça a été plus difficile à ce niveau-là. Écoute, avec quatre fins d'équipe, avec 33 joueurs double lettre, donc c'est plus difficile. Donc, c'est de bon augure. OK. Robin, tu vas être de retour la saison prochaine? Écoute, j'ai pas pris de décision encore, donc j'évalue ça. Probablement, je vais rester dans l'équipe, mais est-ce que ça va être avec un rôle d'entraîneur-chef ou d'adjoint ou je ne sais pas encore. Mais okay. Probablement que oui, je vais rester à l'intérieur de l'équipe des Castors. OK. Robin, un gros, gros merci. Au plaisir de se reparler. C'est un plaisir, Danny. L'instructeur-chef des Castors de Delbault, Robin.